Patrimoine en lumière, chronique sur l'art et l'histoire d'Amboise avec Guillaume Métayer, responsable du patrimoine de la ville. Bienvenue à toutes et tous dans Patrimoine en lumière, votre rendez-vous dédié à l'art, à l'histoire et aux trésors qui façonnent l'identité du Val d'Amboise. Aujourd'hui, direction le cœur de la ville royale pour parler d'un lieu emblématique, l'ancien musée Hôtel Morin, devenu depuis l'an dernier le musée d'art et d'histoire d'Amboise. Un nouveau nom, une nouvelle dynamique et surtout un projet culturel repensé pour mieux valoriser la richesse patrimoniale de la ville. Pour en parler, eh bien c'est Guillaume Métayer qui est avec nous aujourd'hui. Guillaume, responsable du patrimoine à la ville d'Amboise. Bonjour Guillaume. Bonjour Marlène. Alors donc, ce musée d'art et d'histoire d'Amboise, musée Hôtel Morin, la première question que j'ai envie de vous poser, Guillaume, c'est qui est Morin ? Très bonne question. Donc effectivement, le musée d'art et d'histoire d'Amboise, ce sont des collections, mais c'est d'abord un lieu, l'Hôtel Morin, dont le nom est lié à son constructeur. On est au tout début du XVIe siècle. Donc, Pierre Morin, c'est un personnage assez important de l'histoire d'Amboise, un personnage qui a beaucoup d'argent. Il est trésorier de France d'ailleurs, et il va être maire de Tours en 1500-1501. Pierre Morin, il travaille pour le roi de France Louis XII. Donc la mission des trésoriers, pour faire simple, c'est de trouver de l'argent pour le roi qui a toujours besoin d'argent. Et donc généralement, dans cette mission, ils s'enrichissent un petit peu au passage. Et donc il va faire construire son hôtel au pied du château royal d'Amboise. Donc, on est vraiment au cœur de la ville. Malheureusement, il ne va pas en profiter beaucoup, il va mourir après la fin du chantier. Donc c'est sa femme Françoise Prévost qui va habiter dans le bâtiment. Mais on a donc cet hôtel particulier qui est le plus bel hôtel particulier de la fin du Moyen-Âge à Amboise. Alors on a tendance à présenter l'hôtel Morin comme un hôtel Renaissance, mais c'est pas vraiment le cas, parce que stylistiquement il a pas vraiment de caractéristiques de la Renaissance, à la différence de l'hôtel Joyeuse, que les Amboisiens connaissent pour être l'ancien musée de la Poste, qui lui est vraiment un hôtel de la Renaissance. L'hôtel Morin, on est vraiment à la fin du Moyen-Âge, on peut dire au début de la Renaissance, on est au début du XVIe siècle. Mais le style Renaissance se caractérise par une volonté de retour à l'Antiquité, avec des colonnes, des chapiteaux, voilà, l'utilisation des ordres antiques, une inspiration. Mais quand on regarde l'hôtel Morin, on ne voit pas ce genre de décor. On est vraiment sur la suite du style gothique, en fait, avec des grandes lucarnes, avec des gables, des fenêtres à meneaux. On en a encore à la Renaissance, mais là, on a vraiment un vocabulaire stylistique qui se rapproche plus en fait, des cathédrales que des châteaux de la Renaissance. Un petit peu comme la façade de l'aile Charles VIII du château d'Amboise, qui n'a pas de caractéristiques du style Renaissance, qui est encore attachée au style gothique. Mais comme pour la façade sur Loire du château, l'hôtel Morin montre une volonté de s'ouvrir sur l'extérieur de la ville, à la différence des constructions antérieures, qui étaient vraiment construites à l'intérieur du rempart, refermées sur elles-mêmes. Là, on s'ouvre sur l'extérieur, donc on a une vue sur la Loire, au château comme à l'hôtel Morin. Et l'emplacement même de l'hôtel Morin est vraiment nouveau pour l'époque, puisque c'est le premier bâtiment qui va être construit sur le rempart. Donc on s'affranchit des limites matérielles, vraiment de la grosse frontière pour la ville, qui est un rempart qui renferme la ville. Et donc Pierre Morin construit son hôtel sur le rempart, directement au pied de la Loire. Donc c'est ce qui est vraiment nouveau dans la construction de l'hôtel Morin, c'est cette ouverture vraiment sur l'extérieur de la ville. Donc l'objectif, c'est d'être vu notamment. Donc, l'hôtel Morin, on le voit de loin, on le voit depuis l'autre côté de la Loire avec sa grande toiture. Comme s'il se positionnait comme le gardien de la ville d'Amboise. Un petit peu, oui. Et justement, vous évoquiez le vocabulaire qui est très spécifique en termes d'architecture, Guillaume. La dénomination hôtel, est-ce qu'on peut revenir dessus? Parce qu'on imagine que ça n'a pas pour vocation d'être un hôtel pour louer des chambres à la nuitée. Comme l'hôtel de ville, finalement, c'est une dénomination qu'on retrouve régulièrement. Mais hôtel, à cette époque-là, c'est une demeure? Voilà, c'est ça. Un hôtel particulier, et l'hôtel Morin en général, n'a jamais eu pour vocation d'accueillir des voyageurs. C'est pas un hôtel de voyageurs. Un hôtel, c'est une grosse maison en ville qui possède des communs, voilà, des écuries, des dépendances. Donc un hôtel, c'est une demeure de prestige en ville. Donc là, on imagine l'hôtel d'art et d'histoire Morin, donc à Amboise, avec des écuries. Voilà, alors c'est assez compliqué à imaginer, et en vérité on ne sait pas vraiment comment ça fonctionnait, puisque on est vraiment sur la partie de la ville qui était la plus dense à la fin du Moyen-Âge, puisque la ville d'Amboise, elle est vraiment construite au pied du château. Donc il faut imaginer qu'au XIe, au XIIe, au XIIIe siècle, la ville d'Amboise, c'est seulement les rues qui passent au pied du château. Et ensuite on a tout de suite directement le rempart. Donc la tour de l'horloge, typiquement, c'était la limite de la ville, jusqu'à la fin du XIIIe, au début du XIVe siècle. Ensuite, on avait la masse qui formait un fossé naturel. Et ensuite, c'était les faubourgs ou la campagne. Donc la ville d'Amboise était vraiment au pied du château. C'est seulement au XIVe, au XVe siècle que la ville va s'agrandir, notamment le long de la rue nationale actuelle, jusqu'à l'église Saint-Denis, qui était un autre pôle. Et donc l'hôtel Morin, on est vraiment au cœur de la ville, dans une zone qui devait être très dense. Donc on ne sait pas encore comment Pierre Morin a fait pour aménager les dépendances de son hôtel à cet emplacement-là, parce qu'il y a pas mal de destructions. Il y a l'emplacement de l'hôtel de ville actuel, notamment, dans les années 70, qui a causé pas mal de destructions. Mais il devait y en avoir, de toute façon. On a des plans, peut-être, des images d'archives Non, on n'a pas de plans précis avant le 19e siècle. Donc au 19e siècle, c'est trop tard. Mais... Voilà, ça devait exister, mais en même temps, c'était le choix de Pierre Morin, ce qui n'a pas été celui de Pierre Pinault, notamment, qui est le constructeur de l'Hôtel Joyeuse dans les années 1520. L'Hôtel Joyeuse, il est construit un petit peu à l'extérieur de la ville, dans des terrains qui sont remblayés sur les marais de la Masse. Donc, un endroit où il y a de la place, ce qui lui permet d'avoir de grands jardins. Il y a encore un très beau jardin derrière l'Hôtel Joyeuse, donc c'est un jardin privé, mais on voit bien, même dans ce quartier, d'autres belles demeures avec des beaux jardins. Donc, c'était le choix. Soit on était au plus près du château, mais sur une petite parcelle, soit on s'éloignait un petit peu, et là on pouvait aménager un jardin, on avait de la place pour avoir une orangerie, des écuries, etc. Ok. Alors, outre son emplacement, pour l'hôtel Morin, on a des matériaux de qualité qui sont utilisés, donc de la pierre de taille, de l'ardoise, exactement comme pour le château, donc c'est vraiment des matériaux de luxe à l'époque. Quand on a un petit peu moins d'argent, on construit en pan de bois, avec remplissage en briques, et puis quand on a encore moins d'argent, c'est en pan de bois avec remplissage en torchis. Donc il y a plusieurs échelles de qualité de bâti, c'est pareil pour la couverture. Généralement, on utilise des tuiles, donc ça peut être fait sur place avec de l'argile, et quand on a un petit peu plus d'argent, c'est en ardoise. Donc pour le 15e, le 16e siècle, les seuls bâtiments qui sont en pierre de taille et en ardoise, ce sont le château, les églises ou les hôtels particuliers. Les maisons caractéristiques des Amboisiens sont à pan de bois, avec une couverture en tuiles. Donc là, Pierre Morin se distingue par la qualité du bâti, donc on a aussi des sculptures un petit peu les mêmes que sur la façade du château d'ailleurs. Et alors, à l'intérieur, c'est un petit peu plus compliqué de visualiser l'aspect que ça pouvait avoir, puisqu'il y a eu beaucoup de transformations. On va parler de la riche histoire de l'hôtel Morin pendant 5 siècles, mais on peut imaginer déjà une grande pièce de réception principale, donc, qui doit être actuellement la salle des mariages, avec une très grosse cheminée. Pas la cheminée actuelle, puisqu'elle a été reconstruite au 19e siècle, elle n'existait plus. Mais voilà, des grandes pièces qui devaient servir de pièces de parade pour Pierre Morin, mais qui finalement n'auront jamais cette utilité puisque Pierre Morin meurt avant la fin du chantier. Puis ensuite, on ne sait pas comment Françoise Prévost utilise le bâtiment. Alors, on sait que Pierre Morin meurt rapidement puisque, en fait, en 1506, Françoise Prévost est en procès contre la ville d'Amboise au sujet des limites de sa parcelle. Et donc, on voit qu'elle essaye de gérer le patrimoine de son défunt mari contre la ville d'Amboise, donc qui est un petit peu en train de se constituer à cette période-là. Et donc on voit que déjà les questions de parcelles sont assez floues, on n'a pas de plan précis sur lesquels s'appuyer pour délimiter les parcelles, même à cette époque. Donc on peut imaginer que c'est compliqué, 5 siècles plus tard, de définir où sont les limites des parcelles. Et c'est marrant d'imaginer qu'en 1506, déjà, il y avait des procès par rapport à des territoires bien définis. Oui, puis la société d'Ancien Régime était très procédurière. Donc c'est l'avantage, ça nous permet d'avoir plein de pièces d'archives à analyser pour comprendre un petit peu comment ça se passait, notamment sur ces questions de bâtiments. Alors, on sait ensuite qu'en 1524, l'hôtel Morin appartient à François Tissard, qui est maître à la Chambre des Comptes de Bretagne, donc encore un trésorier, les secrétaires d'Anne de Bretagne et de la reine Claude de France. Et en fait, François Tissard, il était marié à Françoise de Villebrême, qui était née du premier mariage de Françoise Prévost avec François de Villebrême. Donc, Françoise Prévost, en fait, elle était d'abord mariée à François de Villebrême avant d'épouser Pierre Morin, et donc c'est sa fille, la fille qu'elle a eue de ce premier mariage, qui hérite de l'hôtel. Donc on peut penser que Pierre Morin et Françoise Prévost n'ont pas eu d'enfants. Donc l'hôtel Morin passe à la famille du premier mari de Françoise Prévost. D'accord. Il faut s'accrocher. Mais... jusque-là, on vous suit, Guillaume, on vous suit. Donc finalement, on parle d'hôtel Morin, mais il l'a juste fait construire, puisqu'il ne l'a pas habité, et ce n'est pas ses enfants qui en ont hérité après. Ouais, donc finalement, il ne l'a pas habité, et donc ça aurait pu être l'hôtel Villebrême. Voilà, ou l'hôtel Prévost. Ou l'hôtel Prévost, oui, tout à fait. Donc on voit que c'est des personnages quand même importants dans la société de l'époque qui y habitent. C'est pas n'importe quel bâtiment. Ensuite, on a un petit trou d'un siècle et demi, même plus, quasiment deux siècles. On ne sait pas à qui l'hôtel Morin appartient, donc peut-être qu'on le découvrira un jour. En tout cas, on n'a pas pu le déterminer pour le moment. On sait qu'au début du XVIIIe siècle, vers 1700, L'hôtel appartient à Jean Chastaignier, qui est le seigneur de Paradis, qui est le lieutenant général de police d'Amboise. Il va être aussi maire d'Amboise à plusieurs reprises, pendant une période assez importante en fait, de 1696 à 1718, puis de 1719 à 1730. Donc c'est un record de longévité en tant que, ah oui, que maire en fait, jusqu'à l'élection de Charles Guinaud en 1860. Ah oui. Donc, généralement, les maires restent un an et ça tourne très régulièrement à cette époque. Donc là, il y a eu une réforme et il va pouvoir rester plus longtemps que les autres. Est-ce qu'on connaît un petit peu la couleur politique qu'habillait la ville d'Amboise à l'époque, Guillaume ? Voilà, c'est compliqué de parler de couleur politique pour l'époque. Ouais. En tout cas, c'est des charges qui étaient détenues par des membres de la bourgeoisie. On imagine un petit peu, donc, du coup. Voilà, c'était pas n'importe qui. En fait, la constitution des municipalités, elle se fait par les bourgeois, puisque c'est eux qui vont prendre en charge en fait une partie de la gestion de la ville qui n'est pas prise en compte par le pouvoir royal, et que les manants ne peuvent pas gérer non plus. Donc généralement, en fait, ça va être d'abord la construction des remparts de ville. C'est la nécessité de protéger la ville qui va permettre aux municipalités de se former, puisque les bourgeois vont être réunis autour d'un but commun qui va être de défendre leurs intérêts économiques généralement, et donc de protéger la ville des invasions, puisque généralement quand il y a une guerre, c'est assez mauvais pour le commerce. Hein. Effectivement. Enfin, ça dépend pour qui, mais... En règle générale, les bourgeois de la ville préfèrent ne pas être en guerre et qu'il y ait des échanges commerciaux avec d'autres villes. Donc c'est ce qui va inciter à la construction des remparts. Alors parfois, ça va être le roi qui va imposer à certaines villes de construire des remparts, mais ce n'est pas le roi qui va les financer. Donc voilà, ça part de là. Et donc les bourgeois, c'est ceux qui vont avoir le plus d'argent dans la ville. Et donc bon, ils vont tourner entre eux pour occuper la charge de maire, et sinon ils seront simplement échevins de la ville. Est-ce qu'on sait si le roi fréquentait le musée Hôtel Morin à l'époque ? Est-ce qu'il y a mis les pieds ? Bonne question. Bonne question, ah, oui. Ouais. Les hôtels particuliers, c'était quand même les plus beaux monuments de la ville, et les monuments aussi les plus habitables, ce qui n'était pas forcément le cas des châteaux, qui étaient de grandes demeures, difficiles à chauffer, on le sait, ouais, etc. Donc quand la cour était présente, ou quand il y avait une réception d'une ambassade ou de personnages en particulier, si tout le monde ne pouvait pas loger au château, les bourgeois se proposaient volontairement pour loger des personnalités importantes qui ainsi pouvaient être logées dans de bonnes conditions. Mmh. Puis ça permettait d'être bien vu en même temps. Tout à fait. Voilà, autant lier l'utile à l'agréable. Donc peut-être qu'il y a des personnalités importantes qui ont pu être logées par Jean Chastaignier lorsqu'il était propriétaire de l'hôtel Morin. Peut-être que d'autres maires d'Amboise aussi au XVIe ou au XVIIe siècle ont été propriétaires de l'hôtel Morin, pour le moment on ne sait pas. Mais ce serait cohérent puisque ça fait partie des plus belles demeures de la ville. Mais avec l'inconvénient tout de même de ne pas avoir de jardin ou de grandes dépendances, ouais, comme les hôtels qui étaient un petit peu moins en centre-ville. Mmh. Et alors Guillaume, est-ce qu'il y a d'autres personnalités à qui ont appartenu le musée Hôtel Morin ? Tout à fait. À partir de 1764, l'hôtel appartient au duc de Choiseul. Il a acheté Chanteloup. Par un échange avec le roi, il devient aussi propriétaire du château d'Amboise. Et en même temps, il va donc acheter l'hôtel Morin pour en faire son palais ducal, donc en fait le siège de sa justice. Attendez, vous dites que le duc de Choiseul a été propriétaire du château d'Amboise ? Et oui. C'était plus la propriété du roi ? Non, c'est la première fois depuis le XVe siècle, lorsque le château est saisi par le roi de France à la famille d'Amboise, que le château n'a plus appartenu à un membre de la famille royale. Donc, parce que ce n'était pas forcément les rois de France qui étaient propriétaires, ça pouvait être donné à un des membres de la famille de temps en temps. Mais là, c'est la première fois. Donc en fait, c'est un échange, c'est, on va dire, une petite magouille du duc de Choiseul avec Madame de Pompadour. Donc, le roi avait donné la terre de Pompadour à Madame de Pompadour. Le duc de Choiseul va lui racheter. Sachant cela, le roi va vouloir récupérer la terre et va lui donner le château d'Amboise, le domaine d'Amboise, en échange. Ah, oh, rien que ça, petite donation. Voilà, donc c'était à l'époque où le duc de Choiseul était encore bien vu par Louis XV, mais c'est surtout des affaires financières, en fait. D'accord. Et donc le roi va ériger la terre d'Amboise et de Choiseul en duché Péri, et donc à partir de ce moment-là, Amboise, c'est le duché Péri de Choiseul-Amboise. Et donc le duc de Choiseul devient duc de Choiseul-Amboise. Le duc de Choiseul va avoir un très gros domaine, parce que le Chanteloup, c'était déjà un très beau domaine qui avait été très embelli par Jean d'Aubigny au début du XVIIIe siècle. Alors Choiseul va encore arranger les choses. Il va voir le château d'Amboise, dont il va pas vraiment servir, c'est plutôt symbolique, puisque le château d'Amboise était en assez mauvais état au XVIIIe siècle, ça sert de prison, ça a pas vraiment d'utilité. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il va même pas avoir l'idée d'y installer le siège de sa justice. Et il va quand même séparer ce lieu très symbolique pour mettre sa justice dans un autre bâtiment qui est aussi symbolique de l'histoire d'Amboise. C'est un beau lieu, donc le duc de Choiseul l'a jugé digne de recevoir son palais de justice, en fait. Ce qui fera l'objet d'une prochaine chronique en patrimoine en lumière sur Chanteloup. Oui, peut-être le mois prochain. Ah, peut-être. Et donc il va installer sa justice, et avec la justice il y a une prison, il va aussi mettre sa chambre des comptes et son grenier à sel, donc il va y avoir une très grosse activité dans l'hôtel Morin, qui à partir de ce moment-là est appelé le palais ducal. Donc le palais ducal d'Amboise, à l'époque du duc de Choiseul, c'est l'hôtel Morin. Alors ça va le rester pendant toute la période Choiseul à Amboise, jusqu'à sa mort. Puis le domaine est vendu par sa veuve au duc de Penthièvre, qui est le petit-fils de Louis XIV et Madame de Montespan. Et donc en fait, la duchesse de Choiseul va vendre tout le domaine, donc c'est le château d'Amboise, le château de Chanteloup et le palais ducal. Tout ça, ça forme un tout. Et donc c'est le duc de Penthièvre qui continue d'utiliser le palais ducal pour les besoins de sa justice. Puis on arrive à la Révolution. Avant d'en venir à la Révolution, Guillaume, je vous propose qu'on marque la pause musicale et puis après vous nous expliquerez ce qu'il en advient au moment de la Révolution. Qu'en pensez-vous ? Très bien. Très bien. Eh bien c'est parti, on se retrouve dans quelques minutes. Quand tout le monde dort tranquille dans les banlieues dortoirs, c'est l'heure où les honneurs descendent sur la ville. Qui est-ce qui viole les filles le soir dans les parkings ? Mais le feu au building, c'est toujours les honnards. Alors, c'est la panique sur les boulevards quand on arrive en ville. Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. On n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir. Des gars qui se maquillent, ça fait rire les passants. Mais quand ils voient du sang sur nos lames de rasoir, ça fait comme un éclair dans le brouillard quand on arrive en ville. Nous, tout ce qu'on veut c'est être heureux avant d'être vieux. On n'a pas le temps d'être en avoir. Tout ce qu'on peut prendre en attendant. Quand on arrive en ville, on arrive de nulle part. On vit sans domicile, on dort dans des hangars. Le jour on est tranquille, on passe incognito. Le soir on change de peau et on frappe au hasard. Alors préparez-vous pour la bagarre quand on arrive. La ville souterraine est plongée dans le noir. Les gens qui s'y promènent ressortent sur tes brancards. On agit immobile, ça vous paraît bizarre. C'est peut-être qu'on est débile, c'est peut-être par désespoir. Du moins, c'est ce que disent les journaux du soir. Quand on est prendre en attendant. Quand viendra l'an 2000, on aura 40 De retour dans la chronique Patrimoine en Lumière avec Guillaume Métayer, responsable du patrimoine à la ville d'Amboise. La thématique de cette chronique aujourd'hui, c'est l'hôtel Morin. Hôtel Morin qui abrite le musée d'art et d'histoire d'Amboise à ce jour. Guillaume nous a fait part un petit peu chronologiquement de l'historique de ce bâtiment. Et nous en étions arrivés au moment de la Révolution. Que se passe-t-il à ce moment-là, Guillaume ? Donc, à la Révolution, l'hôtel Morin, le palais ducal d'Amboise, va être séparé du château de Royal et du château de Chanteloup, puisqu'il va être confisqué à la fille du duc de Penthièvre, donc la duchesse d'Orléans, en 1793. Et à partir de ce moment, le palais ducal va être utilisé par le comité révolutionnaire et va servir de maison d'arrêt. Donc, il y a toujours un lien avec la justice. Donc on peut imaginer des cellules qui étaient aménagées quelque part dans le bâtiment, on ne sait pas vraiment où. Alors que le château lui-même servait encore de prison aussi. Voilà, alors le château il va être récupéré par la sénatorerie d'Orléans, donc ça va être une espèce de préfecture en fait. Enfin, ça va être un lieu de résidence pour un personnage important de l'administration, de la Révolution et du début de l'Empire. D'accord. Donc ça va bouger un petit peu. En 1803, le palais ducal est affecté à l'hospice général de Tours, qui le loue à la municipalité d'Amboise. Et donc on va y installer la prison, la justice de paix et le siège du grenier à sel. Donc il y a toujours un lien avec l'utilisation à l'époque de Choiseul, mais ça appartient à l'hospice général de Tours, qui le loue à la municipalité d'Amboise. Donc bon, c'est une logique qui ne l'est pas forcément. Voilà. Mais... Et du coup, il va devenir le palais de justice de la ville. Pendant ces trois siècles d'histoire, on ne sait pas trop comment l'hôtel puis le palais ducal est meublé. À une exception près, on est quasiment certain, en fait c'est logique, à l'époque du duc de Choiseul, il devait y avoir un portrait du duc de Choiseul dans la salle principale de ce palais de justice. De même, à l'époque du duc de Penthièvre. Et ce portrait du duc de Penthièvre, on l'a retrouvé en fait. Puisqu'il y avait un doute sur un grand portrait en pied du duc de Penthièvre qui était conservé dans les collections du musée des Beaux-Arts de Tours, qui était connu pour avoir été saisi à Amboise à la Révolution, mais on ne savait pas où, on ne savait pas si c'était à Chanteloup, on ne savait pas si c'était au château, et en fait on a oublié de penser au fait qu'il aurait pu être saisi au palais ducal en fait. Mmh. Et effectivement, dans une archive de la Révolution, où on a une description du palais ducal juste après les saisies. Donc on a toutes les pièces qui sont décrites très rapidement et on arrive au grenier. Et dans le grenier, à la Révolution, il y a le cadre du portrait du ci-devant citoyen Penthièvre. C'est assez cohérent de penser que s'il y a le cadre dans le grenier de l'hôtel Morin, du palais ducal, c'est qu'il devait aussi y avoir la toile, ce qui est logique puisque dans le palais ducal, on devait avoir un portrait du duc d'Amboise, donc du duc de Penthièvre. Et cette découverte-là, elle a été faite à peu près quand ? Elle a été faite l'année dernière. Ah ouais ! Ah, c'est en perpétuelle évolution, finalement, les découvertes. Hein. Ah oui, bah c'est un champ de recherche infini, de toute façon. D'accord. Et donc, ce portrait, au jour d'aujourd'hui, là, il est où ? Et donc, ce portrait, depuis l'année dernière, il est de retour à Amboise, dans le palais ducal. Donc, le musée des Beaux-Arts de Tours nous l'a déposé. Donc, il appartient toujours au musée des Beaux-Arts de Tours, mais c'est un dépôt au musée d'art et d'histoire d'Amboise. Bah, c'était la première fois depuis la Révolution que le duc de Penthièvre pouvait revenir en ses murs. Alors, il n'est pas exactement à son emplacement d'origine, puisqu'on peut imaginer qu'il était plutôt dans la grande salle, donc dans la salle des mariages. Là, il est dans la salle juste avant, donc il accueille les visiteurs qui entrent dans la salle des mariages. Mais c'est le seul tableau, le seul élément mobilier dont on est certain qu'il a été dans le bâtiment, et donc qui est désormais retourné. C'est passionnant. Effectivement. Mais alors, à partir de quand la ville a réellement été propriétaire du bâtiment ? Alors, ça va bientôt faire deux siècles, en fait, puisque c'est en 1826 que, finalement, le palais de justice, l'hôtel Morin, palais ducal, est vendu à la ville d'Amboise. Vendu ? Voilà. Oui. Ah oui. Par l'hospice général de Tours, qui avait besoin d'un petit peu d'argent et qui, certainement, était un petit peu embarrassé de ce patrimoine. Mmh. Donc la ville devient propriétaire du bâtiment, qui continue d'être utilisé comme palais de justice. Puis, en 1848-1852, un petit peu avant, en fait, la ville va envisager de détruire le bâtiment pour construire un nouvel hôtel de ville palais de justice. Donc c'est un type de bâtiment qu'on construit beaucoup dans ces années-là, dans les villes moyennes, gros bâtiment qui sert à la fois, qui a plusieurs usages. Mais finalement, on va changer d'avis puisque on se rend compte que ça coûte trop cher de détruire puis de reconstruire. Mmh. Donc on garde le bâtiment. Et puis, juste après, en fait, on va avoir besoin d'un bâtiment pour loger la garnison qui surveille l'émir Abdelkader, qui est emprisonné au château d'Amboise, entre 1848 et 1852. Et donc, l'hôtel Morin va être utilisé pour loger cette garnison. Donc là, on a des plans, justement, de tous les étages du bâtiment, avec des cloisons qui sont ajoutées, des lits qui sont placés dans tous les sens, dans tout le bâtiment. C'est-à-dire que l'émir Abdelkader est emprisonné au sein même du château. Oui. Et il a une garnison qui le protège. Qui le protège ou qui le surveille. Hein. Qui le surveille. Mais il est en prison. Oui. D'accord. Donc, l'émir Abdelkader, il n'est pas tout seul, il a toute sa suite. Donc, tout le monde est logé dans le château d'Amboise. Et la garnison n'est pas logée sur place au château. Ils sont un petit peu à côté. Donc, quand ils sont en service, forcément, ils sont au château. Mais après, c'est pas une garde très rapprochée pour ce qui se passe dans le château. Et sinon, ils sont logés dans l'hôtel Morin. Très bien. Donc c'est intéressant, on voit vraiment des liens avec l'histoire d'Amboise pendant toute l'histoire de l'hôtel Morin. Donc c'est pas incohérent d'avoir un musée qui parle de l'art et de l'histoire d'Amboise en ces lieux. Complètement. Et donc en 1852, l'émir Abdelkader est libéré et la ville récupère le bâtiment et va commencer des travaux pour y aménager un hôtel de ville. Donc c'est à partir de 1855 que l'hôtel de ville se situe dans l'hôtel Morin, après quelques aménagements, puisque le bâtiment était en assez mauvais état. Ensuite, on va arriver dans une nouvelle phase, qui est le mandat de Charles Guinaud. C'est un autre personnage important d'Amboise, qui va être... il va commencer une carrière d'entrepreneur en travaux publics, et puis finalement, il va se lancer dans la politique. Il va devenir député, président du Conseil général d'Indre-et-Loire, et sénateur. Donc ça va être le sénateur-maire d'Amboise, Charles Guinaud, qui va engager vraiment une politique de modernisation de la ville, mais également de rénovation du bâtiment de l'hôtel de ville et de création d'un musée. Donc c'est Charles Guinaud qui, le premier, va faire en sorte d'avoir des œuvres d'art à présenter dans un lieu à Amboise, qui va vraiment fonder le musée. Donc on est à partir de 1873. Donc parmi ces premières œuvres d'art, on a la mort de Léonard de Vinci, qui est maintenant en dépôt au château d'Amboise. Qui fait partie des plus importantes œuvres d'art qui sont envoyées par l'État dans ces années-là. Donc pendant 20 ans, jusqu'à sa mort en 1893, on a des œuvres d'art qui sont envoyées tous les ans à la demande de Charles Guinaud par l'État. Donc la ville n'achète pas directement les œuvres, elle paye juste le voyage à des tableaux ou à des sculptures qui sont soit dans les collections de l'État, soit achetées par l'État dans les salons artistiques pour être envoyées dans les différentes villes de France. Et donc, Charles Guinaud fait des demandes tous les ans. On a vraiment les courriers de Charles Guinaud. C'est quelque chose de très régulier. Et ça correspond aujourd'hui aux œuvres qui sont présentées dans la salle des mariages. Donc, depuis l'année dernière, on a retrouvé la disposition d'origine des tableaux. Ah ouais. Qui était celle de... qui était l'emplacement des tableaux lorsqu'ils sont arrivés à Amboise. Donc, la disposition peut être choisie par Charles Guinaud, en tout cas, c'est une disposition qui semble assez cohérente par rapport à la place qu'il y a sur les murs. Et donc, c'est ce qu'on a pu retrouver grâce aux nombreuses cartes postales du musée éditées au début du XXe siècle. On peut supposer qu'entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle, il n'y a pas eu de grosses modifications dans ces emplacements. Et donc, tous ces tableaux, ce sont vraiment les plus anciennes œuvres arrivées à Amboise pour le musée. Donc jusqu'en 2007, ces œuvres appartenaient à l'État, et en fait, suite à la loi Musée, il y a eu un transfert de propriété, et ces œuvres appartiennent désormais à la ville d'Amboise, puisque bon, elles étaient à Amboise depuis un certain temps. Donc la ville est maintenant propriétaire, donc il y a des œuvres assez variées. Il y a deux portraits du duc de Choiseul, donc ça fait partie des œuvres anciennes, et sinon des œuvres des années 1880, donc, qui étaient achetées directement dans les salons à Paris par l'État, et envoyé directement à Amboise. Waouh ! Et par curiosité, on connaît la valeur de ces œuvres d'art ? C'est-à-dire que c'est un patrimoine effectivement culturel important pour la ville, mais on sait combien ça vaut ? Alors c'est assez varié, c'est assez D'accord. difficile aussi, mais c'est important de le savoir pour des questions d'assurance notamment. Eh oui. C'est pas des artistes très réputés, puisqu'en fait on n'a pas d'œuvres impressionnistes, d'abord parce que l'État n'achetait pas d'œuvres impressionnistes, il achetait des œuvres d'art académique. Parce que là, en fait, dans les années 1880, on est vraiment à l'époque de la naissance de l'impressionnisme. Mais c'est intéressant parce qu'on voit justement quelle était la politique d'achat d'œuvres d'art de l'État dans ces années-là. Oui. Et l'État restait sur des œuvres très traditionnelles, des œuvres académiques. Donc les artistes les plus célèbres, généralement, étaient envoyés au musée du Luxembourg, donc qui était le musée des artistes vivants. C'est les œuvres qui sont maintenant au musée d'Orsay. Et les artistes un peu moins connus étaient envoyés dans les musées de province. Donc on n'a pas des œuvres des artistes les plus connus de l'époque. Mais on a quand même des œuvres qui étaient jugées assez abouties, assez intéressantes pour être achetées par l'État, parce que l'État n'achetait pas n'importe quoi non plus. Mmh. Donc c'est vraiment un aperçu de ce qui était jugé stylistiquement pertinent par l'État à la fin du XIXe siècle. Donc on le redira évidemment, j'imagine à l'issue de cette chronique, mais évidemment on peut observer toutes ces œuvres d'art gratuitement en venant visiter le musée d'art et d'histoire d'Amboise actuellement. Voilà, donc ces œuvres et d'autres. Mais là, on est vraiment donc sur des œuvres qui ont été envoyées à l'époque de Charles Guinot, lorsqu'il commence à faire restaurer le bâtiment. Et donc, dans cette même logique, en 1880, il va solliciter et obtenir le classement de l'hôtel de ville au titre des monuments historiques. Et dans la suite de ce classement, qui permet à la ville d'obtenir des subventions de l'État, c'est toujours le cas, mais c'était déjà le cas au XIXe siècle, la ville va lancer le chantier de restauration du bâtiment par l'architecte Antime de la Roque. Donc c'est un chantier qui va s'étaler sur une dizaine d'années et qui va donner à l'hôtel de ville, à l'hôtel Morin, son aspect actuel. Donc quand on se promène à l'intérieur de l'hôtel Morin, tout ce qu'on peut observer, ça date de cette restauration de la fin du XIXe siècle. Faut pas imaginer que c'est l'aspect de l'hôtel Morin au XVIe siècle à l'origine. Ça correspond d'une part aux besoins du bâtiment en tant qu'hôtel de ville et à une certaine idée aussi de ce à quoi pouvait ressembler l'hôtel Morin au XVIe siècle d'après les yeux des restaurateurs du XIXe siècle. Donc les lambris sont des lambris du XIXe siècle, les décors peints sont tous du XIXe siècle et les cheminées sont également en grande partie du XIXe siècle, notamment la grosse cheminée peinte de la salle des mariages, qui est totalement recréée, puisque d'après les plans plus anciens, on voit qu'il n'y avait plus de cheminée dans cette pièce au début, au milieu du 19e siècle. Donc on a une recréation d'un hôtel particulier du 16e siècle, mais au 19e siècle. D'accord. Alors c'est intéressant, puisque dans les mêmes années, dans cette deuxième moitié du 19e siècle, c'est le château d'Amboise qui est lui aussi restauré et retravaillé par les architectes pour lui redonner un aspect supposé et plus typique de la fin du XVe ou du début du XVIe siècle pour les yeux du XIXe siècle, mais c'est évidemment une restauration qui correspond au goût du 19e siècle, en fait, une vision un petit peu idéalisée de l'art de cette époque. On n'en est pas encore à la Fondation Saint-Louis à cette époque. Non, ça appartient toujours aux Orléans. Mmh. Donc voilà pour les grandes phases de l'histoire de l'hôtel Morin. Le musée continue à se développer au cours du 20e siècle, mais ça a très peu de choses à voir par rapport à la période de Charles Guinot. Là, vraiment, les œuvres les plus importantes du musée, même en qualité et en quantité, correspondent à ces dépôts demandés par Charles Guinot. Et en fait, dès la mort de Charles Guinot, on n'a plus aucune demande de dépôt d'œuvres d'art, ni aucune acquisition d'œuvres d'art par la ville d'Amboise. C'est assez net, en fait. Donc on voit vraiment que c'était une volonté politique de Charles Guinot de mettre l'art à la portée de tous les Amboisiens. Qui ne va pas avoir de suite dans les années qui suivent sa mort. La deuxième période, de certaine manière, de renaissance du musée va être à l'époque de Michel Debré, mais c'est très différent, puisqu'en fait, on a un autre bâtiment qui va appartenir à la ville d'Amboise, qui va servir à recevoir les collections. Donc le musée de l'hôtel de ville reste ouvert, mais il n'y a plus vraiment de collections. C'est quelque chose d'assez bizarre, parce qu'en fait, à cette époque, le principal musée de la ville d'Amboise, c'est le musée de la Poste, donc qui est le fruit d'une donation de monsieur Pierre Paul, qui était un collectionneur qui habitait à Limeray, au chantier, qui avait ouvert son musée, et qui, commençant à prendre un petit peu d'âge, cherchait à pérenniser sa collection, avait essayé de la donner au conseil départemental, enfin au conseil général à l'époque, qu'il avait accepté, qui avait acheté l'hôtel Joyeuse justement pour y installer le musée, et puis qui finalement avait changé d'avis, et miracle pour la ville d'Amboise, qui va donc recevoir gratuitement le bâtiment acheté par le département et la collection du musée de la Poste. Alors, il y avait quelques travaux à faire à l'hôtel Joyeuse, c'est pour ça que le conseil départemental n'avait pas réalisé les travaux et avait finalement refusé la donation. Mais voilà, c'était quand même une bonne affaire pour la ville. Donc de 1971 jusqu'à sa fermeture par Bernard Debré en 1999, le musée de la Poste va vraiment bénéficier de toute l'attention de la mairie et des donateurs. On a de très nombreuses donations qui sont faites au musée de la Poste jusqu'en 1999, ce qui n'est pas le cas du musée de l'hôtel de ville qui était dans l'hôtel Morin, qui va être un petit peu délaissé pendant cette période. Mais en 1999, fermeture de l'hôtel, musée hôtel de la Poste, qu'est-ce qu'il est advenu de tout ce qu'il y avait à l'intérieur ? Alors, pour une partie, ça a été restitué aux donateurs, lorsqu'ils ont pu être retrouvés ou lorsqu'ils ont formulé une réclamation. Mais sinon, le plus gros de la collection, donc qui est la collection de Pierre-Paul, appartient toujours à la ville d'Amboise. D'accord. Mais évidemment, n'est pas montré en totalité. Quand le musée a fermé, en fait, le musée de la Poste de Paris est venu voir l'état des collections, voir ce qui pouvait les intéresser. Et ils sont repartis avec à peu près la moitié de la collection, qui est donc en dépôt au musée de la Poste, qui est à côté de Montparnasse, hein, mais qui appartient toujours à la ville d'Amboise. Et donc le reste de la collection Pierre-Paul a été conservé dans les réserves de la ville d'Amboise, et en partie montré, donc notamment les pistolets du duel de Pouchkine, qui font partie de cette donation de Pierre-Paul, et qui ont ensuite été rapidement montrés au musée de l'hôtel de ville, puisque c'était une œuvre, des objets assez emblématiques. Oui, complètement. Un travail qui est en cours sur cette collection. L'objectif, c'est de transférer la propriété de ce qui ne nous intéresse pas, en fait, puisque c'est une très très grosse collection, c'est assez lourd à gérer. Et donc l'idée, c'est de se concentrer sur ce qui a un rapport avec l'histoire d'Amboise, de la Touraine ou du Val-de-Loire, ou les objets emblématiques comme les pistolets du duel de Pouchkine, et de transférer le reste définitivement au musée de la Poste de Paris. Donc il y a une étude des collections qui a été engagée l'année dernière, qui est toujours en cours, pour définir ce qu'on garde et ce qu'on garde pas. Donc ça a été l'occasion aussi de retravailler sur ces collections qui sont un petit peu endormies pour le moment, puisque personne ne peut travailler à temps plein sur cette collection. Mais c'est ce qui a permis, donc en septembre l'année dernière, d'ouvrir une nouvelle salle au musée d'art et d'histoire d'Amboise qui est consacrée à l'histoire de cette collection, de ce musée, en utilisant les œuvres qui, justement, ont un lien avec l'histoire d'Amboise. Donc si vous allez au musée d'art et d'histoire d'Amboise, il y a une salle au premier étage qui est consacrée aux collections du musée de la Poste, où vous avez plusieurs sections, donc une première section sur l'histoire de la collection, qui est Pierre-Paul, comment est-ce qu'il a constitué sa collection, et comment la ville d'Amboise en est devenue propriétaire jusqu'à sa fermeture. Une deuxième section sur l'histoire de la Poste aux chevaux, donc c'était la spécialité de Pierre-Paul, donc le fond de sa collection, c'était la Poste aux chevaux, donc en centrant également sur les postes régionales. La troisième section est sur l'histoire de la Poste moderne, qui là en fait était moins présente dans les collections de Pierre-Paul, mais qui correspond plutôt aux donations qui ont été faites au musée de la Poste à Amboise entre 71 et 99. Donc des gens qui pouvaient avoir des képis de facteurs, ou des, voilà, plein d'objets en lien avec la Poste moderne, donc plus la Poste aux chevaux, mais ça correspond à l'ouverture du musée de la Poste qui, dans les années 80-90, s'est ouverte à plein d'autres choses, et plus seulement la Poste aux chevaux, puisqu'on avait des postes radiophoniques de l'entreprise Gaudi, par exemple, et puis on avait des maquettes d'avions, de bateaux, c'était devenu la Poste et les voyages, donc c'était quelque chose de très large. Et donc la quatrième section, elle est consacrée au pistolet du duel de Pouchkine, donc l'histoire de Pouchkine, de ses pistolets, et comment eux aussi sont arrivés dans les collections de Pierre-Paul, puis de la ville d'Amboise. Est-ce que vous, Guillaume, en tant que responsable du patrimoine, avec tout l'intérêt qu'on imagine que vous portez à l'histoire de la ville, vous avez une pièce favorite dans l'ensemble de ces collections ? C'est très compliqué à dire, parce que les collections sont très variées et j'ai envie de dire que toutes sont intéressantes et toutes permettent d'aborder quelque chose en lien avec l'histoire d'Amboise. Donc non, je n'ai pas de pièces favorites, je traite toutes les pièces sur le même... On ne doute pas que vous les traitiez de la même manière, mais peut-être que parmi celles-là, il y avait... N'avait une sur laquelle, quand vous passez devant, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous arrêter, de l'observer de nouveau parce que vous la redécouvrez à chaque fois ou parce que ça attire votre curiosité, votre intérêt. Si, par exemple, il y a une vue d'Amboise par Pierre-Justin Ouvrier qui était assez peu visible puisqu'elle était accrochée au-dessus de la porte d'entrée de la salle des mariages, donc très en hauteur, qui a été redescendue là au début de l'année pour la réouverture du musée, qui est maintenant dans le couloir du premier étage. Et c'est une vue d'Amboise donc au 19e siècle, une vue d'automne avec beaucoup de détails et c'est un plaisir de pouvoir la voir de près. Donc je vous invite à aller l'observer vous aussi au musée. Ça fait partie des rares acquisitions des années 70 en fait, donc après la période de Charles Guinot. Donc on va voir quelques acquisitions à l'époque de Michel Debré, notamment une des œuvres emblématiques qui est la Vérité sortant du puits. Donc c'est un très grand tableau par Édouard de Baponsant, qui était le grand-père de Michel Debré, donc il a fait acheter un tableau de son grand-père, mais c'est devenu une des stars du musée, donc que vous ne pourrez pas voir cette année, puisqu'elle elle a été prêtée au Musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris pour une exposition sur l'affaire Dreyfus, puisque c'est une œuvre qui a été réalisée dans le contexte de l'affaire Dreyfus, justement la vérité qui sort du puits. Et qui avait été ensuite offerte à Émile Zola. Donc c'est une œuvre qui était dans le salon parisien d'Émile Zola, qui a changé plusieurs fois de propriétaire au cours du XXe siècle, et finalement qui est passée en vente publique et qui a été achetée par la ville d'Amboise. Donc c'est un petit peu particulier, effectivement, qu'un maire fasse acheter une œuvre de son grand-père, mais si ça n'avait pas été fait, il nous manquerait cette œuvre dans le musée, et on n'aurait pas les moyens de la racheter si elle repassait en vente actuellement. Alors, et la dernière phase de l'histoire du musée, c'est 1970 et la construction du nouvel hôtel de ville par Yves Robert Niel, donc l'hôtel de ville actuel, puisque jusqu'à cette date, le musée cohabitait avec les bureaux des employés de la mairie, puisque la mairie était vraiment dans le musée, ou le musée était dans l'hôtel de ville. Donc, à partir de 1970, tous les bureaux vont déménager dans le nouveau bâtiment, et ne vont subsister dans l'hôtel Mourin que la salle du mail des mariages et la salle du conseil, ainsi qu'une autre salle de réunion qui sont toujours plus ou moins utilisées. Donc c'est ce qui va permettre aux œuvres de vraiment se déployer dans les salles. Et c'est ce qui est engagé également depuis l'année dernière, de redonner une cohérence au parcours de visite, pour qu'il parle vraiment de l'histoire d'Amboise. Ce qui n'était pas forcément le cas, puisque, comme je vous le disais, les œuvres principales, ce sont les anciens dépôts de l'État demandés par Charles Guinot, et ces œuvres n'ont pas de rapport avec l'histoire d'Amboise, à part les deux portraits du duc de Choiseul. Ce sont des œuvres qui n'ont pas de lien avec l'histoire d'Amboise, d'où la difficulté de parler de l'histoire d'Amboise à partir de ces œuvres. Donc, en remettant ces œuvres dans la salle des mariages, on a gagné de la place en fait dans les autres salles, puisque l'accrochage d'origine était assez dense, et ça nous permettra d'avoir une salle sur l'antiquité amboise. On a ensuite une salle sur Chanteloup, dont on reparlera puisqu'elle va connaître quelques réaménagements. Oui. Et puis donc cette nouvelle salle sur les collections du musée de la Poste. Un jour aussi, nous pourrons ouvrir une salle sur l'histoire industrielle d'Amboise. Donc la collecte sur le patrimoine industriel est toujours en cours. Et puis, un jour, peut-être, les combles seront aménagés, ce qui permettra d'avoir de la place supplémentaire pour parler notamment du XXe siècle, et d'Olivier Debré, par exemple. C'est toujours passionnant de vous écouter dans vos récits, Guillaume. Je rappelle que vous êtes le responsable du patrimoine à la ville d'Amboise et vous avez partagé avec nous aujourd'hui vos connaissances sur les coulisses de, si on peut dire, de ce lieu emblématique qu'est l'hôtel Morin, devenu depuis l'an dernier, rappelons-le, le musée d'art et d'histoire d'Amboise, que l'on peut visiter. À quel moment est-ce qu'on peut venir pour découvrir toutes les pièces dont vous nous avez parlé, Guillaume ? Là, depuis le 5 avril, le musée est rouvert du mercredi au vendredi après-midi, 14h à 18h30, et le samedi et le dimanche, de 10h à midi et de 14h à 18h30. Je vous invite aussi à venir pour la nuit des musées, qui est samedi 17 mai. Donc pour l'occasion, le musée sera ouvert jusqu'à 23h, toujours gratuitement. Et je serai présent notamment dans les salles pour parler des œuvres. Ah bah oui, bah alors c'est carrément mieux d'attendre le 17 mai pour avoir votre éclairage. Parce que sinon, on fait la visite en autonomie. Oui, alors il y a beaucoup d'explications sur l'histoire du bâtiment, sur l'histoire de chaque œuvre. Et il y a aussi deux applications de visite qui peuvent être utilisées. Donc une sur les 10 chefs-d'œuvre du musée et une autre sur le matrimoine. Le quoi ? Le matrimoine. Le matrimoine, c'est le patrimoine lié aux femmes, parce que le patrimoine, ça vient de pater, donc c'est plutôt masculin. Le matrimoine, bah écoutez, je ne connaissais pas ce mot. Donc ça permet de parler de 10 femmes importantes présentes dans les collections du musée. Très bien. Merci beaucoup, Guillaume. Avec plaisir. On se retrouve dans un mois pour une nouvelle chronique Patrimoine en Lumière, votre rendez-vous dédié à l'art et l'histoire d'Amboise. Nous parlerons vraisemblablement de Chanteloup. Peut-être oui. Peut-être oui. Très bien. Vous pouvez réécouter ce podcast sur la page Facebook Radioactive 93 et 94.7 FM. Merci encore à vous, Guillaume. Merci. Patrimoine en Lumière, chronique sur l'art et l'histoire d'Amboise avec Guillaume Métayer, responsable du patrimoine de la ville.